qu'à sourire. Musique en nous cache à l'air et la vie. Dengue, dengue, dengue, dengue, danga, danga, de. C'est oui, oh, oh, yeah. Danser, danser, danser, oui, bébé. Fini danser avec moi, comme t'es calé, danser, danser. soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Fini par m'oublier. Je me doutais pas non qu'un jour tu aurais les parquets. Jour et nuit tu es dans mes pensées. Je suis déboussolé, déboussolé par ton corps, ta beauté. Je me sens désarmé. Tu es si belle que parfois tu me sembles être irréel. Quand je vois tes yeux, je me sens fou, je suis amoureux. Je veux à tout prix être l'homme de ta vie. Les voyeurs pour ensemble danser. T'as changé d'attitude.

toujours plus pressé. Pour tracer l'exemple sous malgré. Mais mettre à fin à précipité. C'est yo qui go privilégié. Yo vin prend et qui aller. Sans yo pas négocier. Pays ici là à vivre pour en faire. Dans mi temps yo m'a coché. Ça fait quelque temps la n'occupé, mais semble ça pas déranger. Frère New York dans le gouvernement, ça qu'n'a en position, il faut les prendre et puis aller. Sans y'en pas négocier, pays si la carrière pour en faire, n'a mis tant y'en pas projet. La la la. Ça va jamais d'accord. Yo t'a préféré le mort. Mais li ta belle si tête dans nous. Va choisir défendre pays nous. Prends richesse nous avec force nous. Pour nous sauver l'honneur. Qui les racaille. Va suspendre mon parce que mon est parmi nous, et ça que pas j'en d'accord. Yo t'a préféré le mort, mais il va belle et non non. Va choisir mes grands monde sur nous, va richesse nous à force nous, pour sauver l'honneur. Mais qui l'a la caille, va suspendre mon dépaille. Ça fait blague. La chercher.

j'ai pas donné. Je m'adresse rien à toi, baby, toujours en poésie. L'amour c'est de l'or, baby, je prends pas de fantaisie. J'ai été mordu un coup, ouais ouais, je suis piqué, je tiendrai pas le coup. Non non, et si tu me crois du bien. I don't know. Chavire, mon cher ou bien blanc, Chavire, ou gras. chaud pour vous là. Vite on réfléchit avant, on fait ça, ça, ça. Chavirer combat, mettez le tête en bas. On cherche ou bien pas, pour glace et combat. Chavirer combat, mettez le tête en bas. On cherche ou bien pas, pour glace et combat. On chante pour qu'on l'a. Pas de gros salaire, pas bossé. Photo, yon image qui vaut mille mots, et c'est juste ça qui est blessé. Avant vivre et d'où aller, ou te dit la vie ou vage, qui ou te naïve, l'intérêt même, que ça va bien arriver ou encore. C'est dommage pour le monde. Vie ma belle, pas sans espérer. Mais c'est dommage pour le monde. Si on est à belle, pour pas progresser. Mais est-ce que vous jouez le monde comme la souveraineté? Est-ce que vous jouez le monde fait la paix? Est-ce que vous jouez le monde comme la souveraineté? Mais c'est dommage pour le monde. Je dis à vous, elle n'est pas censée. Mais est-ce que vous jouez le monde pour la souveraineté? Est-ce que vous jouez le monde fait ou de la veille? Est-ce que vous jouez le monde pour la souveraineté? Ha ha ha ha! Ici Gayanda, longtemps pour ne pas fâcher le mani ou pas d'eau.

mèdè li mwen, pou mèdè li mwen Poutan m'oubliye kom bouli E evi, mwen remè ou plis ki ou remè mwen Ou kap profite li mwen mwen Mè ou fè m'bliye konem, ou baye problem bri It's not easy, it's not easy To love and get so much of yourself Mwen ka mete man aksyon si franchement m'en vivre Moi devant moi décontrôlé Toujours comme la caille là même qu'à expliquer qui j'en excité Chéri, comme la caille là Pas sous mes qui pour qui moi camper sous trois pieds Bagaille pas bon question pour m'baille C'est moi pour décider si nous cagaille baille Si moi pas bon bouger mon nom pas dans bagaille Faut que travaille Faut que travaille pour bagaille là Chérie ma vie goûtelle T'en prie bon mwen konti mayen Bon m'ti bagay la baby Bon m'ti bagay la chouchou Bon m'ti bagay la mami Bon m'ti bagay la chérie Bagay la papi yè pa bon mwen chokou bay Se mwen pou deside si mou kagaye bay Si mwen pa bon pou mwen konon bata bata Fokou tka bay Fokou tka bay pou bagay la confesse mes péchés, envolés, enfumés, avec l'homme que j'ai aimé. J'assume toutes mes formes et la forme je la mets en te disant franchement que toi tu m'as blessé. Je me battrai quand c'est coûte que coûte, je le ferai pour moi seul contre tous. Je garderai que le meilleur de nous, je t'aimerai encore et encore jusqu'au bout. Pour toi j'ai commis mes défauts, pour toi j'ai fait ce qu'il fallait, à en oublier mon ego. J'ai comblé là où toi tu faillais. About all the things that we shouldn't talk about, those kind of words that will change all the things we talk about. Tell me, do you ever think of us? Should I ask some more or should I stop? What if our tomorrow means that we are here together? Or what if we are taking chances just to lose it all? I'm really crazy thinking about this all together. Or if I've been missing the writing on the wall. What if I say I know you know? What if I told you I like you? We stay, we go. What if I told you I like you? What if I told you I like you? What if I told you I like you? What if I told you I like you? I hear everything you're saying that us. not about right or wrong, it's about what we love. Would it be simple or would it be too complicated? Should I keep going or maybe it's better to stop? What if our tomorrow means that we are here together? What if we are taking chances just to lose it all? Am I really crazy thinking about this all together? Or have I been missing the writing on the wall? What if I say, I know, you know. What if I told you I like you? We stay, we go. What if I told you I like you? What if I told you I like you? We stay, we go. What if I told you I like you? What if I told you I like you? What if I say, if I told you I like you? We stay, we go. What if I told you I like you? I know, you know. What if I told you I like you? We stay, we go. What if I told you I like you? Let's talk about all the things that we shouldn't talk about. Pour te dire qu'on dirait, pour l'important c'est où t'es bien léger. Marcher à pente tout est léger. Tout ça on fait bio là où à pêcher. Tellement bambi, mélo, bilolo. Toujours sous bagaille, sous mes kimonos. Sous parole en plus, sous mes libellos. Après des hommes qu'on est, on guette des numéros. La moule coulée pour bateau Titanic. Nous non des mots, esprit satanique. On compte du Delma et pour la Malik. La vie de mon père, si on va vite, pas panique. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Je t'aime, ma mère à toi. Faire la sombre terre peut s'arrêter de tourner. Tropical avec un petit hommage à Gilles Pleureau, essayé il y a tout juste 21 ans avec ce titre Caramel. Toutes les nouveautés de l'été dans votre émission Groupe Tropical, du zouk à gogo, c'est Jean Viragal. C'est la peau approchée de moi. pané. Tout ça que j'ai au moins. Par l'amour. Sur un autre niveau, pour tous les frérots dans le bando, il va tourner dans tous les réseaux. Wow. Je veux juste danser, mettre les soucis de côté, claquer des billets, se laisser aller. Je veux juste danser, la musique est validée, s'ambiancer c'est ça l'idée, juste se balader. Je veux juste danser, everybody, everybody, everybody. From me burn me no fear than no wanna. Bada bada, bounce on the one ya. Yeah, you are the best, bubble up on the one ya. De la qualité, pour faire le vide et t'évader. Que ton esprit soit libéré, sous le rythme laisse-toi guider. Je veux juste danser, mettre les soucis de côté, claquer des billets, se laisser aller. Je veux juste danser, la musique est validée, sans danser c'est ça l'idée. Juste se balader. Je veux juste danser. Je veux juste danser. Pour toi nous perdons, très bien nous envie, dans la terre. nous jamais. On demande moi, y'a pas de yon rime fou. Chaque bon Dieu fait chou. Que la même tous les jours. Si des ou moins les temps. Faut plus qu'il tout bijou. Pendant qu'on vit dans mes heures. Les vrais heures. Dans ses heures tous les jours. Même si nous jamais. On demande moi, y'a pas de yon rime fou. Chaque bon Dieu fait chou. Presque 16h30 sur la FM tout en couleur. Il est l'heure pour moi de vous quitter. Je vous retrouve bien entendu jeudi prochain, même heure, même endroit, 14h, 16h30 pour une nouvelle émission Groove Tropical. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end ensoleillé, en tout cas je l'espère, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. La FM en couleur.